Exercice 3. Vous allez entendre un document sonore. Vous aurez tout d'abord une minute pour lire les questions, puis vous entendrez deux fois l'enregistrement avec une pause de 3 minutes entre les deux écoutes. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Lisez les questions. Première écoute. Les enfants d'abord, aujourd'hui à l'espace Reuilly, dans le 12e arrondissement de Paris, au Salon international de l'ours en peluche. Avec nous, la présidente de l'association organisatrice qui s'appelle Les Amis de Gueule de Miel. Bonjour Lucie Lofer. Bonjour. Deux mots sur votre association tout d'abord. Alors, l'association Les Amis de Gueule de Miel est une association à but non lucratif qui a pour objet de réunir tous les amoureux de l'ours en peluche. Donc, elle existe depuis 4 ans, elle réunit plus de 400 adhérents et nous avons un grand site internet avec beaucoup, beaucoup de visites, ce qui prouve que l'ours en peluche intéresse vraiment des milliers de gens. Sur le salon qui ouvre ses portes dans une dizaine de minutes. Alors, on va voir plein de belles choses puisque nous avons des exposants, donc essentiellement des artistes d'ours du monde entier. On va voir des créateurs d'ours en peluche. Nous allons avoir des peintres, des miniaturistes, également un petit peu d'ours anciens. Et bien sûr, un docteur nounours pour permettre aux gens qui ont des nounours de soit de les faire réparer, soit de les faire évaluer pour savoir un petit peu ce qu'ils ont. Et donc les artistes qui viennent du monde entier, on a des gens qui viennent de Nouvelle-Zélande, du Japon, des États-Unis, d'Allemagne, de pratiquement tous les pays d'Europe. Et puis pour les enfants surtout, nous organisons des stages de création de nounours gratuits toute la journée pour les enfants. Donc vos auditeurs peuvent venir avec leurs enfants sans rendez-vous pendant ce salon et en à peu près une demi-heure, un enfant peut repartir avec son petit nounours et un petit diplôme de stage avec la tête de Bisou qui est la mascotte de l'association et qui est aussi le président du syndicat national des ours en peluche. Le salon international de l'ours en peluche, cet après-midi jusqu'à 18h à l'espace Reuilly, 21 rue Hénard dans le 12e arrondissement de Paris.